Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati ghorqa. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par ceux qui arrachent violemment. Wan-nashitati nashta. Et par ceux qui recueillent avec douceur. Was-sabihati sabha. Et par ceux qui voguent librement. Fas-sabiqati sabqa. Puis s'élance à toute vitesse. Fal-mudabbirati amra. Et règle les affaires. Yawma tarjufu ar-rajifa. Le jour où la terre tremblera au premier son du clairon. Tatba'uha ar-radifa. Immédiatement suivi du deuxième. قلوب يومئذ واجفة. Ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi. أبصارها خاشعة. Et leurs regards se baisseront. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Ils disent, quoi serons-nous ramenés à notre vie première ? أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً Quand nous serons ossements pourris, قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةً Ils disent, ce sera alors un retour ruineux. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ Il n'y aura qu'une sommation. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ Et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى Le récit de Moïse t'est-il parvenu إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى Quand son Seigneur l'appela, dans Towa, la vallée sanctifiée, اذهب إلى فرعون إنه طغى. Va vers Pharaon. Vraiment, il s'est rebellé. فقل هل لك إلى أن تزكى. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier? وأهديك إلى ربك فتخشى. Et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. فأراه الآية الكبرى. Il lui fit voir le très grand miracle. فكذب وعصى. Mais il le qualifia de mensonge et désobéit. ثم أدبر يسعى. Ensuite, il tourna le dos, s'en alla précipitamment. فحشر فنادى. Rassembla les gens et leur fit une proclamation. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى Et dit, c'est moi votre Seigneur, le Très-Haut. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى Alors, Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte puis l'a parfaitement ordonné. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. والجبال أرساها. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. متاعا لكم ولأنعامكم.